Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qui a un jour férié. Oui, oui, jeudi c'est le 15 août, donc ce sera un jour de repos, peut-être un pont pour certains, et moi ce sera les vacances. On va passer les trois derniers jours avant un petit repos bien mérité. En tout cas voilà, nous sommes le lundi 12 août. Nous souhaitons une bonne fête aux Clarisses, ça vient du latin illustre. Vive, courageuse et plutôt autoritaire, leur caractère est colérique. On ne peut pas dire qu'elles soient caractérisées par leur discipline ni leur souplesse. Les Clarisses tendent à s'imposer dans la vie et apparaissent souvent cassantes, voire hautaines et fières. Confiantes en elles-mêmes, elles auraient volontiers quelques idées de grandeur, d'autant qu'elles sont sensibles aux signes extérieurs de richesse. Ces tendances, alliées à une certaine volonté de réussir, leur font rechercher des routes d'envergure. Elles ne tiennent guère en place et se montrent actives et dynamiques. Pourtant, leurs résultats ne sont pas toujours à la hauteur de leurs efforts, car elles sont désordonnées et leur esprit est un peu brouillon. Ces femmes sont curieuses, touchent à tout et passent facilement d'un sujet à l'autre, sans forcément aller jusqu'au fond des choses. Elles aiment le changement et tendent fréquemment aux remises en question, ce qui n'est pas sans quelques risques. Mais elles préfèrent cela à une vie routinière et monotone qui les lasserait rapidement. Elles adorent leur liberté et sont des féministes acharnées. Pour elles, l'émancipation féminine n'est pas vain mot. Par ailleurs, elles ont une certaine séduction et un appétit de vivre insatiable. Elles sont sympathiques et gourmandes et ont l'art de persuader que la vie est belle. Dicton du jour, s'il pleut à la Sainte Clarisse, c'est souvent comme vache qui pisse. Bon bah réponse cet après-midi, hein, puisque selon la météo, il devrait pleuvoir cet après-midi. Célébration internationale, aujourd'hui journée internationale de la jeunesse, décidée par l'ONU en 2000. Et en Thaïlande, c'est l'anniversaire de la reine et la fête des mères. Et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 12 août. On passe donc tout de suite à notre première pause musicale avec le groupe Dire Straits et leur titre Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Platform so rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Les Dire Straits sur RGM, un peu plus de 8h38, on est toujours dans la matinale et on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 12 août 1945, naissance de Jean Nouvel, célèbre architecte français. 1949, naissance de Mark Knopfler, musicien britannique, guitariste du groupe Dire Straits. C'est également l'année de naissance de Julien Lepers, animateur radio et télé français, ainsi qu'auteur, compositeur, interprète. Il est connu bien évidemment pour avoir présenté l'émission Question pour un champion du 7 novembre 88 au 20 février 2016, mais également pour être le compositeur de deux grands succès d'Herbert Léonard, Pour le plaisir, sorti en 1981, et Amoureux fou, chanté en duo avec Julie Pietri en 1983. 1960, naissance de Thierry Desroses, acteur français vu dans Un Indien dans la ville, La Maison du Bonheur, la série télé PJ dans le rôle du lieutenant Alain Poret, Femme de loi, section de recherche, également actif dans le doublage. Il est connu pour être la voix française régulière de Samuel L. Jackson, Wesley Snipes et voix récurrente de Laurence Fishburne ou encore Forrest Whitaker. 1961, naissance de Roy Hay, guitariste et claviériste anglais du groupe Culture Club. 1962, naissance de Ness, animatrice télé française. 1971, naissance de Pete Sampras, ancien joueur de tennis américain ayant fait carrière de 1988 à 2002, qui a été numéro 1 mondial en 1993, qui a gagné 7 Wimbledon, 5 US Open, 2 Open d'Australie et demi-finaliste à Roland-Garros. Il a remporté 2 Coupes Davis, c'était en 1992 et 1995. 1972, naissance de Rebecca Gayheart, actrice américaine, vue dans la trilogie Urban Legend dans le rôle de Brenda Bates. Elle sera à l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood dans le rôle de Billy Booth. On parle de ce film depuis plusieurs mois maintenant, et bien ça y est, la sortie approche, c'est ce mercredi. Vu à la télévision également dans Amoureusement Vôtre, Beverly Hills, dans quelques épisodes dans le rôle de Tony Marchetti, Nip Tuck ou encore Ugly Betty. 1975, naissance de Casey Affleck, acteur américain, frère de Ben Affleck. Oui, vu dans Will Hunting dans le rôle de Morgan O'Malley, 200 cigarettes, American Pie 1 et 2 dans le rôle de Tom Myers, Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13 dans le rôle de Virgil Mayoy, Gone Baby Gone dans le rôle de Patrick Kenzie, Interstellar, Manchester by the Sea dans le rôle de Lee Chandler qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur. 1980, naissance de Maggie Lawson, actrice américaine, vue dans Pleasantville, les séries télé Felicity, Urgence, Smallville, psych-enquêteur malgré lui dans le rôle de Juliette O'Hara ou encore L'Arme Fatale. C'est également l'année de naissance de Dominique Swain, actrice américaine connue pour son rôle de Dolores Hayes alias Lolita dans le film Lolita et vue dans le film Volte-face dans le rôle de Jamie Archer. 1981, naissance de Djibril Cissé, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1999 à 2015, qui de 99 à 2004 a joué avec Auxerre, de 2004 à 2007 à Liverpool, d'ailleurs club avec lequel en 2005 il a remporté la Ligue des Champions. Entre 2006 et 2007, il est prêté à Marseille avant d'y signer pour 2007-2009, mais entre 2008 et 2009, il a été prêté à Sunderland. Entre 2009 et 2011, il a joué au Panathinaikos, pas facile à dire ce nom grec. Entre 2011 et 2012, il a joué à la Lazio Rome, 2012-2013 au Queen's Park Rangers. Ensuite, il a été prêté à Al Gharafa SC. Ensuite, il a joué au Kuban Krasnodar. Et enfin, entre 2014 et 2015, il a joué à Bastia. 1990, naissance de Mario Balotelli, footballeur italien professionnel depuis 2005, qui a joué à l'AC Lumezzane, à l'Inter de Milan, à Manchester City, au Milan AC, à Liverpool, de nouveau Milan AC à Nice et depuis la saison dernière il joue à Marseille. C'est également l'année de naissance de Wissam Ben Yedder, footballeur français qui de 2010 à 2016 a joué à Toulouse et depuis 2016 il joue à Séville. 1992, naissance de Cara Delevingne, mannequin, actrice anglaise vue dans le film Suicide Squad dans le rôle de June Moon alias l'enchanteresse ou encore vue dans Valerian et la cité des mille planètes de Luc Besson dans le rôle de Loreline. En 1960, décédé Ian Fleming, romancier d'espionnage britannique, journaliste officier du renseignement naval, connu pour avoir été l'auteur de la série de romans d'espionnage James Bond. En 1982, décédé Henry Fonda, acteur américain, vu dans J'ai le droit de vivre, Les raisins de la colère, La poursuite infernale, Le jour le plus long, La conquête de l'Ouest ou encore Il était une fois dans l'Ouest. En 2007, décédé Merv Griffin, animateur télé, producteur américain, célèbre créateur des jeux télévisés Jeopardy et La roue de la fortune. Et en 2009, décédé Marc François, acteur français dans le doublage, surtout connu pour avoir été dans les années 80 la voix française de Mickey Mouse. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec le groupe Culture Club et le titre « Do you really want to hurt me ?» Give me a time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. C'était le groupe Culture Club sur le 107 FM. Un petit peu plus de 8h48, on fait un point sur la météo. La météo. Bon bah ce sera pas fameux aujourd'hui, hein. On va pas vraiment se croire en été. À l'heure actuelle, il y a des nuages, il y a même du brouillard, hein. Si je regarde par la fenêtre, oui, on voit un petit peu de brouillard. Bon, normalement, on devrait quand même avoir un petit peu de soleil, mais malheureusement, ça ne va pas durer, puisque pour la fin de journée, des orages et de la pluie sont à prévoir. Des températures fraîches ce matin, comparé à ce qu'on a pu avoir, hein, entre 12 et 13 degrés seulement. Pour cet après-midi, entre 18 et 19 degrés. Mardi, ce sera clairement une journée mitigée, éclaircie et pluie. Des températures, équivalentes à aujourd'hui, entre 12 et 13 degrés le matin, entre 18 et 19 degrés pour mardi après-midi. Mercredi devrait marquer le retour du soleil avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés mercredi matin et entre 19 et 20 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Eh bien ça y est, on est quasi mi-août et les sports reprennent et du coup ce matin on a pas mal de choses à se raconter. On commence tout de suite avec le football et la reprise de la Ligue 1. Très bonne reprise pour l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Monaco. En revanche, Marseille s'est incliné dans cette première journée de Ligue 1. 2-0 face à Reims. Angers s'est imposé 3-1 face à Bordeaux. Brest et Toulouse ont fait match nul, 1-1. Saint-Étienne s'est imposé 2-1 à Dijon. Rennes s'est imposé 1-0 à Montpellier. Nice s'est imposé 2-1 face à Amiens. Lille s'est imposé 2-1 face à Nantes. Strasbourg et Metz ont fait match nul, 1-1. Et enfin, hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Nîmes. Le PSG et Lyon sont tous deux en tête après cette première journée. En Ligue 2, Nancy et Lorient ont fait match nul, 1-1. En National 2, Épinal s'est imposé 3-0 face à l'équipe 2 de Lens. Il y avait du volley également ce week-end avec le tournoi de qualification olympique. La France termine avec 2 victoires contre la Slovénie et la Tunisie et 1 défaite contre la Pologne. Et donc la France devra aller chercher son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo en janvier prochain. Il y avait également de l'athlétisme avec les championnats d'Europe par équipe où la France a terminé 3e. C'est la Pologne qui remporte ces championnats d'Europe par équipe. Un mot de cyclisme cyclisme avec là aussi les championnats d'Europe. Victoire de l'Italien Elia Viviani. Arnaud Démare a terminé 9e. Un mot de hockey sur glace. On va tout d'abord parler de l'EHC avec la prolongation de Kevin Benchaban. Le calendrier de D2 a été dévoilé et le premier match pour le club spinalien, ce sera à l'extérieur à Westcal le 21 septembre. Et bien pour voir les verts et noirs à Poisson-Pré, il faudra attendre la semaine suivante, le 28 septembre, avec la réception de Chalon. On va parler du club de Lyon, c'est un petit peu la saga de l'été. Ça change, hein, avant c'était Épinal. Eh bien, le bureau directeur a décidé de reclasser le club lyonnais en D3 et d'engager des poursuites pour son président. Affaire à suivre. On termine avec du tennis et les Rogers Cup à Toronto. Serena Williams a dû abandonnée dans sa finale et du coup victoire de la Canadienne Andreescu. À Montréal, Gaël Monfils s'était qualifié pour la demi-finale où il devait affronter Rafael Nadal, mais malheureusement il a dû déclarer forfait pour cette demi-finale. L'Espagnol s'est donc qualifié pour la finale sans jouer et il s'est imposé en finale face à Medvedev 6-3, 6-0. Cette semaine c'est le tournoi de Cincinnati côté féminin. Il faudra suivre Caroline Garcia face à Swiatek. Il y aura également les matchs de Venus Williams, Sabalenka, Konta ou encore Sevastova. Côté messieurs, Richard Gasquet affrontera Andy Murray de retour en simple. Il a obtenu une wildcard pour le tournoi de Cincinnati. Manarino affrontera Garin, Herbert sera opposé à Couéré, Lucas Pouille à Kudla et Gilles Simon à Carino Busta. Il y aura également les matchs de Coric ou encore Cilic à suivre. Allez, tout de suite on marque la dernière pause musicale, tube de l'été, vous en avez l'habitude depuis presque un mois maintenant. On va en 1998. Aujourd'hui, le groupe Nomads avec le titre Yakalelo. Yeah!